pourquoi j'étais là-dedans alors que j'avais la clé dans les poches. Allez, fermez-moi cette porte, maintenant je me libère. Et tout ça, c'est fini. Et ton passé alors qu'il est, il est derrière toi, non, ne le renie pas, non, il n'est pas question de ça. Mais où ça mène, de ressasser encore tous ces moments amers, ou d'avoir des remords, et des regrets, tous on en a. Qu'est-ce qu'on peut y faire, et y penser ça arrange quoi, on peut plus revenir en arrière. Ce qu'on peut faire c'est rectifier, demander pardon, pardonner, pour les mauvais actes qu'on a fait ou pour tous ceux qu'on a ratés. Que ce soit pour une question d'études ou t'aurais pu aller plus loin, que ce soit ton attitude, mais dis-moi qui est assez bien. Ce qui est une certitude c'est qu'il faut continuer ton chemin, croire en Dieu sans lassitude et laisser tout entre ses mains. Alors je m'excuse d'ici envers tous ceux que j'ai pu blesser. Je vous excuse aussi à tous ceux qui ont pu me blesser. Je vous conseille de faire pareil, d'effacer le passé, tous ces souvenirs je les balaye. Pour moi c'est classé, pour quelle raison je vais me pourrir mal. Le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Non, maintenant je me libère et je vis le présent. Mais pour quelle raison je vais me pourrir maintenant? Avec le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Non, maintenant je me libère et je vis le présent. Maintenant je m'adresse à ceux qui ont une blessure dans le cœur, qu'elle soit plus ou moins profonde, qu'elle saigne encore, qu'elle date d'hier, l'année passée. Maintenant elle est derrière, faut l'abandonner. Elle a ses faits, dégâts, maintenant c'est qu'une cicatrice. Tôt ou tard elle se refermera et ne sera plus destructrice. Faut qu'elle passe, puis qu'elle revienne, et que tu ressasses. Qu'elle se rouvre et puis qu'elle freine, toute ta vie qui passe. Y'a pas de raison en fait de ruiner ton présent. Faut que tu relèves la tête, t'es beaucoup plus fort maintenant. Quoi qu'on t'ait dit, quoi qu'on t'ait fait, quoi que t'aies vécu, maintenant t'as le choix en fait d'effacer ou de rester bloqué dessus. Bah moi je te dis que cette minute où tu m'écoutes, tu la retrouveras plus. À toi de voir si ça t'aide en outre ou si t'as pas entendu. Moi tout ce que je souhaite c'est que tu reprennes ta route. Que si tu te sens trop faible, que tu me réécoutes. Pour quelle raison je vais me pourrir maintenant? Avec le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Non, maintenant je me libère et je vis le présent. Mais pour quelle raison je vais me pourrir maintenant? Avec le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Avec tous ceux qui ont des regrets pour des actes qu'ils ont commis ou bien pour d'autres qui n'ont pas fait. Ça sert à quoi de penser à ça maintenant? Rien. Tu avances pas, bien au contraire, faut changer dorénavant. Ce que tu peux faire, ça c'est possible, c'est d'arranger le présent. Les faiblesses faut que tu les cibles pour les contrôler maintenant. Faut reconnaître tes erreurs, surtout quand t'as fait du tort. Tu deviendras quelqu'un de meilleur, ça t'évitera les remords. Demande à Dieu la force de changer tout ce que tu pourras. Demande-lui aussi la paix pour accepter ce que tu peux pas changer. Demande la sagesse pour savoir discerner ce que tu pourras et ne pourras pas changer. Mais en ce moment si tu m'écoutes, crois-moi que c'est pas un hasard. C'est peut-être l'heure que tu te relèves et que t'oublies tes vieux cauchemars. Ouais moi je crois qu'on aura sonné. Maintenant libère-toi de ta prison, t'as la clé. Mais pour quelle raison je vais me pourrir maintenant? Avec le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Non, maintenant je me libère et je vis le présent. Mais pour quelle raison je vais me pourrir maintenant? Avec le passé qui est loin pourtant, ça va, c'est détruit à l'époque dans le temps. Enlevez-moi vite toutes ces chaînes du passé, tous ces vieux souvenirs ou tous ces regrets. Ça amène nulle part, faut sortir de cette prison. Ton pire ennemi c'est qui? C'est toi-même, c'est tes pensées. Faut agir maintenant dans le présent. Le passé il est passé et le futur il est imprévisible. Alors agis dans le présent, c'est le seul moment où tu peux agir. Faut arrêter les regrets, à quoi ça sert? Je dis pas qu'il faut pas tirer de leçons du passé, parce que c'est pas vrai, faut tirer des leçons. Et c'est justement pour pas retomber maintenant. Allez, libérez-vous, vous avez la clé. Sortez de votre prison, faites le bien autour de vous. Détruit à l'époque.